Ainsi se termine cette nuit Vladimir Nabokov, commencée en votre compagnie, Agnès Edelroy et Yannick Chupin, qui est venu nous parler du colloque qui avait été organisé à la Sorbonne en 2013, et colloque qui a pour conséquence la parution d'un livre aux presses universitaires de Strasbourg, Vladimir Nabokov et la France, sous la direction de Yannick Chupin et Agnès Edelroy, nos invités, et de Monica Manolescu et Lara de l'âge Toriel. Dans cet ouvrage, il y a beaucoup de sujets, alors évidemment, on a dit l'influence des écrivains français sur l'œuvre de Nabokov, mais aussi de inversement, comment certains écrivains français se sont inspirés de Nabokov, et puis même comment un chanteur, il y a Lolita, leitmotiv dans l'œuvre de Serge Gainsbourg. Oui. Alors ça, on a cette contribution dans le livre Vladimir Nabokov et la France, mais c'est vrai que c'est intéressant de toute façon. C'est intéressant parce que Serge Gainsbourg, il a quand même dit... Qu'il était l'inventeur de Lolita, qu'il avait porté ce thème 25 ans dans son subconscient et que c'était finalement Nabokov qui avait écrit le roman. Effectivement, hein, l'article le montre bien, l'œuvre entière de Gainsbourg est traversée obsédée par cette lecture de Lolita par ce compositeur. Il y a aussi Vladimir Nabokov et Alain Robbe-Grillet, Nabokov contre Bergson. Enfin voilà, je crois que vraiment c'est un ouvrage à lire avant le prochain colloque, parce qu'il y a un colloque le mois prochain, les 17 et 18 mai à Lille, sur la traduction. Alors là, vaste programme à nouveau. Oui, la traduction de Nabokov, non seulement l'autotraduction, parce que Nabokov s'est beaucoup autotraduit. Il a traduit ses œuvres russes en anglais, notamment. La traduction de Nabokov d'autres œuvres qui ne sont pas les siennes. Hein. Il a traduit des œuvres françaises en russe, en anglais. Voilà, donc c'est un très vaste programme qui va rassembler des chercheurs de France, d'Angleterre, des États-Unis, de Russie, et qui se déroule en deux volets. Donc, vous avez parlé de la partie qui se déroule à Lille le 17 et 18 mai, mais il y aura un deuxième volet aux États-Unis, en Caroline du Nord, au mois d'octobre. Alors, c'est réservé aux chercheurs enchantés ? Non, bien sûr, il est ouvert à tout le monde, et je précise qu'il est organisé par Julie Loison-Charles et Stanislas Fabrine. Et ça se passe où, alors, à Lille ? À Lille, c'est à l'université, à l'université de Lille. Université de Lille, les 17 et 18 mai prochains, c'est très proche. Et puis, il y aura l'année prochaine, je crois en 2019, un colloque à Montreux, mais histoire et géographie. Et puis, il y a donc la Pléiade, vous nous avez dit en début de nuit, Agnès Edelroy, qui va être publiée en 2019. Alors, il y aura Ada, que pourra-t-on trouver dans ce troisième tome ? Les derniers romans de sa période. Et l'original de Laura. Et l'original de Laura, qui est le dernier manuscrit. C'est amusant de mourir, c'est ça le sous-titre. Oui, c'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle de... Dying is fun en anglais. Ouais. Traduction par Maurice Couturier, oui. C'est plutôt drôle de mourir. Très bien. Eh bien, merci à vous Yannick Chupin et Agnès Edelroy. Toutes ces émissions, tous ces entretiens sont à réécouter en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits de France Culture. Et donc, Vladimir Nabokov et la France est publié aux presses universitaires de Strasbourg. Et puis aussi, évidemment, à lire les lettres à Vera de Vladimir Nabokov, édition établie par Olga Voronina et Brian Boyd, traduit du russe et de l'anglais par Laure Troubetskoy, publié aux éditions Fayard. Laure Troubetskoy était notre invité cette nuit également. Philippe Garbi, Pierrick Monsigny, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne journée.